À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les diplomates chargés des relations culturelles et d'amitié de différents pays en Corée ont visité le 15 le musée du mouvement de la jeunesse et le salon des 21e Floralies de Kim Jong-il.